Question 25. Je suis titulaire du permis depuis moins de 2 ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à 100 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D.